Il est des mots qu'on peut penser, mais à pas dire en société. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Bien sûr, moi, je pourrais te dire que je ne vis que par ton sourire, que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus. Moi je